1, 2, 3, c'est parti. Va voir un roulement de tambour, s'il vous plaît. Surprise. Il y a quelqu'un. Salut. Pourquoi t'es venu ici? Tout va bien. Alors il faut que tu sois honnête avec moi. J'ai hâte de voir ta tronche quand on l'aura dégoûté. Dis donc, t'as vachement bien géré. Et maintenant ou jamais. Ça ira mieux demain. L'émission. Parce que les séries de demain commencent aujourd'hui. Accompagnez-moi. Ne laisse rien faire obstacle à ce qu'il fait vibrer. Soyez à mes côtés. Bienvenue au palais. Mais il n'y a rien que tu désires vraiment plus que tout au monde. Ça ira mieux demain. L'émission. Fadjet. Ça ira mieux demain. L'émission. Que la fête commence, les amis. Ça ira mieux demain, l'émission avec Manon qui est toujours là. Coucou. Laurent, ici toujours présent. Coucou. Et votre serviteur pour 24 minutes, 23 même maintenant, sur le monde parallèle. Pas celui du petit écran, mais celui des plateformes. Nous allons parler notamment de The Crow qui arrive bientôt, la nouvelle saison de Crow, c'est la numéro 6. Et oui, regardez, cette voiture qui vient de passer là, et ben, c'est tout ça la saison 6 de moto, c'est tout ça la saison 6 de The Crow, parce qu'on va toucher un point sensible dans la famille royale, c'est bien sûr le fameux accident qui a coûté la vie à Lady Di, on en reparle dans quelques instants. Nous irons aussi du côté de l'Espagne dans quelques instants, et aussi du côté du Nord, on était au Danemark il y a quelques instants en parlant de Borgen, on y reviendra. Du côté du palais, deux bandes annonces assez sympas et une, le mystère de la maison Usher, une ambiance très Halloween que vous pourrez découvrir dans quelques instants. Avant cela, Manon était juste à la fin de l'émission de Destination Série. Elle nous présente son choix musical. La semaine dernière, c'était quoi Luigi. C'était Luigi. J'adore cette chanson. Voilà, donc tu peux en dire deux mots si. Bah, j'aurais aimé aller le voir en concert, Luigi, mais il n'y a plus de place. Donc il passe en novembre à Nancy. Voilà, écoutez, s'il y a des places peut-être à gagner, il faut regarder que des fois, Fadjet, ils font gagner des places. Peut-être qu'il y aura des places pour Luigi qui sait à gagner. Et aujourd'hui, on n'est pas dans le monde de Luigi, là. Et bah, tu parlais d'Espagne. Et ouais, bah, exactement. C'est bien dit parce qu'on va écouter Sino Estas. Alors, je ne sais absolument pas prononcer le nom, mais c'est Iñigo Quintero. Tu fais de l'espagnol, et pourtant, je fais chère, de l'espagnol, hein. Oui. Alors, c'est un jeune qui a une vingtaine d'années, qui sort... il chante depuis un petit moment, mais il n'a jamais marché. Et il a sorti l'année dernière en Espagne cette chanson, qui a plus d'un an. Elle a été happée par TikTok. Les gens l'ont captée et c'est un gros carton en France et partout dans le monde. Ils sont en train de faire un clip alors qu'il n'y avait pas de clip et c'est un gros carton. Ça rentre dans 40 minutes dans le Hot 40. Vous aurez deux Iñigo Quintero dans l'heure, puisque Iñigo Quintero, je vous le dis, rentre dans le Hot 40 tout à l'heure. Mais moi, je voudrais souligner la préparation de dingue de cette émission. On vous annonce une info sur un chanteur 40 minutes avant son passage dans le Hot 40. Alors là, c'est franchement du jamais vu. Même les autres radios n'y arrivent pas. Hein. Et voilà. Et donc, en attendant, vous regardez cette belle chanson. C'est de l'espagnol. Et voilà, c'est un charmant jeune homme qui a depuis sorti deux autres titres qui tournent également sur YouTube et sur les plateformes. Sueñas altos el poder que te han dado. Desde el cielo, no, no, no, no, no. Pero sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos si no estás. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas, de repente esto es una alucinación. Quiero ver tu otra mitad, alejarme. contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar tus billetes para amarte, no quiero ver nada posible, es demasiado tarde. Todo es un desastre, esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes, me olvido de quién soy. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente, es lo de siempre y de repente estoy perdiendo la razón. Cien complejos sin sentido me arrebatan tus latidos y tu voz y ya no puedo más. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos si no estás. Imposible, es demasiado tarde. Todo es un desastre, esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes, me olvido de quién soy. ¿Y dónde estás? La verdad es que ya van mil noches malditas sin tu abrazo. Es algo raro, estoy viciado a tu amor. A tu amor. A tu amor, amor, no, no, no, no. Ya, na, na. Quiero verte, verte, verte, que se acabe ya. Voilà, cette jolie petite chansonnette espagnole qui est actuellement quand même deuxième en France. Hein. Deuxième en France ? Deuxième en France. Ah la vache ! Elle est trop jolie, moi. Et dans les 20 meilleures ventes dans le monde. Oh, dis donc. Rien qu'avec un petit morceau sur TikTok voilà, qui est repris en boucle par la terre entière. C'est très bien. Allez, maintenant, les infos du monde parallèle. Je ne sais pas pourquoi je dis monde parallèle, parce que c'est l'ambiance un peu Halloween. On n'a pas allumé la lampe, hein. On est dans le noir. C'est Halloween bientôt, dans 15 jours. Et voici quelques infos. Alors, une info intéressante, c'est le 16 novembre, encore une date. C'est la semaine d'après, la semaine où il y a toutes les nouveautés. Netflix mettra en ligne la première partie de l'ultime chapitre de la conclusion de The Crown. La sixième saison du show de Peter Morgan couvrira les années 1997 à 2005, une période particulièrement difficile pour Buckingham Palace, puisque pendant cette période que la famille royale va être ébranlée par la relation entre Diana Spencer et le fameux Dodi Al-Fayed. Et c'est également dans cette période-là qu'en août 1997, la princesse Diana perdra la vie dans un terrible accident de voiture sous le fameux pont de l'Alma à Paris. Une séquence choc qui a été recréée avec délicatesse et réflexion a promis la productrice Suzanne Mecky, mais personne n'a encore vu effectivement encore cette scène. Par contre, d'autres scènes de la saison 6 alimentent d'ores et déjà une vive polémique, puisque selon nos confrères anglais du Daily Mail, on y verra Lady Diana hanter Elizabeth II et le prince Charles avant de s'éteindre. Donc voilà, merci pour ton attitude à l'hôpital, si brute, si brisée, si beau, je l'emporterai avec moi. Donc c'est la princesse Diana qui parle à son ex-mari. Tu sais que je t'aimais tellement, si profondément, si douloureusement aussi. C'est fini maintenant, ce sera plus facile pour tout le monde si je ne suis plus là. Déclarerait donc la défunte dans cette série à son ex-mari avant que ce dernier ait vu son corps à la morgue. La reine d'Angleterre discuterait ensuite avec elle de la révolution entamée de son vivant, ce à quoi sa belle-fille rétorquerait « Je sais que cela doit être terrifiant, d'aussi loin que l'on se souvienne, vous nous avez enseigné ce que signifie être britannique. » Il est peut-être temps de montrer que vous êtes prête à apprendre, vous aussi, aurait dit Diana sur son lit de mort à la reine. C'est ce passage, avant même d'être diffusé, effectivement, a de quoi choquer, hein, parce que est-ce que c'est, tout le monde se pose la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est inventé, on ne saura jamais, hein. Je ne pense pas que le prince Charles ou la reine d'Angleterre ait dévoilé, donc c'est effectivement une libre expression, et c'est sûr que du côté du palais royal, ça va grincer des dents. Bon, la reine mère n'est plus là, il ne reste plus que le prince Charles, enfin le roi Charles III, pardon. Désormais, voilà, on va en entendre parler, donc c'est des prémices de ce qui va certainement défrayer la chronique à partir du 16 novembre, lorsque la première partie de la sixième saison de The Crown sera diffusée. Alors, des réactions, messieurs, dames ? La reine d'Angleterre, Lady Diana. Voilà. Non. Bon, après, voilà, c'est une fiction, donc. Une fiction, mais je pense que rien qu'en le disant, moi, je suis un peu. J'imagine la scène. Ça va quand même faire quelque chose parce que c'est un événement qu'on a tous vécu. Donc, oui, on oui, l'a ressenti. Après. Après le déroulé du drame, oui, on le connaît. La série peut se permettre une dégression pour partir, voilà, pourquoi pas, dans ce qui aurait pu se dire entre certains protagonistes. Moi, ça ne me choque pas. Au rayon des mauvaises nouvelles, il n'y aura pas de saison 4 pour Viking Valhalla. Ah. Non, Netflix a annulé sa série après 3 saisons, donc tous les fans seront bien tristes. Donc ça se termine en queue de poisson. Alors, pas totalement, puisque la saison 3, le tournage de la saison 3 devrait débuter en 2024. Donc, peut-être ils vont pouvoir effectivement finir la saison comme il se doit. On se rappelle, Viking Valhalla se situe 100 ans après les événements de la série originale Viking, puisque c'est une série dérivée. La série se centre son histoire autour des aventures de Leif Erikson, Frédéric Eric Dotik, Harald Hardrava et du roi normand Guillaume le Conquérant. On est presque là du côté du préquel, si c'est avant. Oui, c'est ça, exactement. On est plus effectivement dans le préquel. C'est comme ça que tu me l'avais vendu. Oui, je l'avais vendu comme un préquel. Alors attention, et là, je me tourne vers Manon. Et vers les millions de fans. On l'a appris. Alors, je l'ai appris, j'ai pas vu venir celle-là, peut-être que tu le sais déjà. Tu as parlé d'Elite ? Oui, tu le savais ? Ah oui, les acteurs y reviennent pour la dernière saison. Oui, pas de saison 9 pour Elite ? Il n'y aura pas de saison 9. Et Netflix aussi a annulé sa série fétiche. C'est la grosse série espagnole de Netflix. Casa de Papel aussi. Oui. Ah oui, t'as raison. Oui, c'est peut-être deuxième. Plus même Casa de Papel. C'est vrai. Ouais, oui, mais dans un autre style. Veux dire, voilà, c'est la deuxième, effectivement, tu as raison, plus grosse série. Et qui n'aura pas de saison 9. Mais alors, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, là, la saison 7 arrive dans quelques jours. Hein, et donc, Elite avait déjà renouvelé la saison 8, qui devrait donc être tournée en 2024 et arriver à la fin de l'année 2024. Cette saison sera donc 8, sera la toute dernière. Et effectivement, ils vont essayer. Alors, tous n'ont pas encore signé. Mais le but est de faire revenir tous ceux qui sont partis. Alors, je ne sais pas comment ils vont réussir à les faire revenir, parce qu'ils ont tous pu à l'école, du coup. Mais, ou alors, est-ce que la saison 8 ne sera plus... Mais vont venir dans la ville. Ne sera peut-être plus dans l'école, mais sera... Ouais. Voilà, mais en tout cas, voilà. On s'attend à un gros carton pour cette saison 8, puisqu'ils vont faire revenir... Enfin, pas ceux qui sont morts, quand même, rassure-moi. J'espère pas. Ou dans des flashbacks, peut-être. Il y en a beaucoup qui sont morts, hein, quand même. Il y en a quand même beaucoup qui sont morts. Ouais. Quelques-uns qui sont partis. Mais voilà, donc... Pas un peu trop tiré sur la corde ? Alors, c'est pour ça, je pense que... Alors, bon, pour Viking, en saison 4, c'était pas trop tiré sur la corde. Là, on est en saison 8 d'Elite. Rappelons le concept, pour ceux qui ne se rappellent pas. C'est vrai que le concept original de la saison 1 d'Elite était quand même très très original à l'époque. Voilà, revenons 8 ans en arrière. Non, ça fait longtemps. Il y a un meurtre qui est un meurtre qui est donc commis, voilà. On voit le meurtre, on ne sait pas qui a commis le meurtre. Et on retourne en arrière. Et on retourne en arrière. Et petit à petit, il y a des petits allers-retours. On se rapproche de plus en plus de la fameuse scène du crime, avec plein de fausses pistes. Et c'est vrai que on a l'habitude de ça dans des vrais polars. Mais on l'a moins dans les histoires un peu adolescentes ou dans un collège ou dans un lycée. Et c'était un peu l'original, l'originalité d'Elite. Du coup, 2, 3, 4, 5, 6, donc il y en a eu beaucoup. Alors, après, ils ont fait des petites variantes, ils ne sont pas tous morts. Quelquefois, ce n'était pas des meurtres. Ouais, oui. Voilà, ils disparaissaient ou ils réapparaissaient à la fin. Mais voilà, ce concept semble aussi un peu éculé. Et donc, dernière saison, ce sera en 2024, donc on en parlera encore pendant toute l'année prochaine. Elite, c'est donc terminé. Il est déjà 19h21. Là, on va un spécial moment pour Laurent, qui nous a passé dans le retour de Destination Série la semaine dernière, le titre qui avait gagné l'Eurovision pour la Suède, Laurine. Laurine part à la conquête de la France. Elle l'a dit, j'ai envie que la France m'aime. Elle sort donc en France et partout en Europe son deuxième single, Is It Love. Sincèrement, j'ai presque envie de dire qu'il est même mieux que le premier. Verdict de Laurent, après l'avoir écouté. C'est une artiste qui commence par un L comme une certaine autre artiste. Mais après, on a un O au lieu d'un A, donc on peut l'annoncer dans nos émissions. Voici donc dans Ça ira mieux demain, Laurine. Is it love? Exact. You'll find me in the echo of the dark, working on the rhythm of your heart. Lost you in the maze, now let me out. Is it love, is it love, is it love? Without a warning, without a sign, will you call me or will you hide? There's a shadow in my mind. How do I know it? Is it love? Tell me. Elle est courte, hein. Et c'est une. Elle est courte, elle est courte. Elle est très courte et c'est. Ah, elle est sympa. Comment ? Elle est sympa, la chanson. Ah oui, elle est sympa, là. Je viens d'avoir une nouvelle, là. Ça y est, le nouveau Tom Anders et Florian Silbereisen est sorti aujourd'hui. Oh. Donc, la semaine prochaine, les amis. C'est sûr que ma pauvre Laurine est à casse-rabille. Ah, avec une info pareille. Allez, tout de suite. Le palais, monsieur Laurent. Ah, le palais. Alors, Parce que bon, le palais, c'est-à-dire que le palais, il est où le palais Le palais, il est avant Il est là, il est déjà calé. Je suis surpris, hein. Merci l'ordinateur. Bienvenue au palais. Nos bandes annonces de cette semaine, eh bien, il y a la chute de la Maison Usher. Je vous en parlais. C'est une série signée Mac Flanagan qui nous propose une de ses nouvelles créations originales. C'est arrivé sur Netflix la semaine dernière. Après Bly Manor, Isle House, ou The Midnight Club, la nouvelle série de Mike Flanagan qui va vous faire frissonner s'appelle La Chute de la Maison Usher. Alors moi je connaissais La Chute de la Maison Ewing en fin de saison 9 de Dallas. Et là Manon va me dire quoi ? Usher, je connais le chanteur. Est-ce que c'est sa maison dont il parle ? Non, t'aurais pu me le dire, parce que tout à l'heure, tu me parlais de musique. Oui, oui, oui. Alors, la dernière œuvre horrifique de Mike Flanagan va nous inviter à suivre une famille. Ah. Ce ne sera pas la famille Ewing, non plus. Une famille que vous allez probablement détester. Madeline et Roderick Usher dirigent la toute puissante Fortunato Pharmaceutique. La toute ? Qui est au cœur d'un scandale médiatique sans précédent. Alors que l'empire familial est sur le point de partir en fumée, tous les héritiers sont sauvagement assassinés par une ancienne victime de la famille Usher. Vous imaginez bien que tout cela ne va pas se passer comme prévu. Qui a fait ça ? Des monstres derrière les portes, une vraie série d'Halloween. Tout de suite, la bande-annonce. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. Votre honneur, peu importe les preuves qui s'accumulent contre eux, la famille Usher est plus forte et plus opaque qu'elle ne l'a jamais été. Si jamais quelqu'un vient nous chercher des noises, nous sortirons tout notre arsenal jusqu'à ce que la menace soit neutralisée. Quand tu dis neutralisée, tu veux dire poursuivie jusqu'à l'oubli ou... Neutralisée ou mort. Super, on devrait dîner ensemble plus souvent, ça nous met du baume au cœur, ce genre de choses. Roderick Usher, votre famille est composée de cœurs atrophiés. Le moment est venu. Qui êtes-vous ? Des conséquences. Et ce soir, c'est toi qui entraîne des conséquences. Il faut que j'y aille. J'ai rendez-vous avec ton père. Mon frère est mort. C'est tragique, mais rien de mieux que quelques tweets attristés pour s'attirer la sympathie des gens. Ce n'était pas un accident. Ce sont bien des attaques. Et cette femme sait absolument tout. C'est l'heure, Roderick. Qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai bien peur que vous ne soyez témoin de ma pénitence, mon vieil ami. De toute façon, j'ai aucune fringue pour l'enterrement. Non, attends. C'est du putain de satin ! Le satin, c'est la soie pour les pauvres. Et tu portes pas ça à un enterrement, sauf si t'es mort dedans. On est en sécurité ? Si on ne met pas un terme à son sale petit jeu, tu n'auras plus de famille. Franchement, je crois que tu as oublié qui j'étais. Jamais plus. Jamais plus. Jamais plus. Jamais plus. La maison Usher. Qu'elle repose en paix. Ouais, franchement, je l'adore, cette bande-annonce. Elle est très, très... Elle donne bien l'ambiance, la petite musique. Ça me fait penser un peu à l'ambiance Amy Adams aussi, hein. Oui, fortement. Fortement, ah, hein. Ouais. Et alors, attention, il y a quand même quelqu'un que je voudrais préciser dans les... Et vous avez reconnu la voix, c'est la même voix. C'est la même voix qui double Mary McDonnell, la fameuse de Major Crime... Comme vous voyez l'inspectrice de Major Crime là, eh bien c'est elle avec la même voix mais une intonation différente et c'est elle qui joue l'un des rôles dans cette série. On retrouve aussi Carla Gugino qui jouait dans Spy Kids ou le Mark Hamill de Star Wars, des gens qu'on connaît effectivement et qui jouent donc dans cette mini-série composée de 8 épisodes. Que nous allons dévorer avec effectivement beaucoup de passion. Très rapidement, une deuxième bande-annonce. Je vous la passe et on parle de la série après. Everything Now. Que feriez-vous si ces 7 derniers mois, votre vie n'avait été faite que de murs? Comment j'ai pu rater autant de trucs en 7 mois? Les soirées, l'alcool, les drogues, le sexe, c'est ça la normalité. C'est tout ça qu'il faut que je rattrape. Ou sinon, je vais rester à la traîne. Quitte à faire quelque chose de mal, autant bien le faire. Mia, dans un premier temps, il va falloir y aller doucement. Prépare-toi à mentir. Bien sûr. Jolie. C'est annoncé comme une série coup de cœur, la nouvelle série des ados qui devraient être passionnés par Everything Now, créée par une jeune et talentueuse scénariste et productrice Ripley Parker, qui n'est âgée seulement que de 22 ans. Elle promet de bouleverser tous les codes du genre, car elle va offrir une vision un petit peu différente sur l'adolescente. Et sur l'adolescence, la fiction ne se contente pas de suivre les sentiers battus, elle s'attaque à un sujet sensible et souvent négligé qui est la santé mentale. Puisque le personnage principal, interprété par la brillante Sophie Wilde, est une adolescente de 16 ans qui revient dans son lycée après un séjour en clinique psychiatrique où elle a appris à gérer ses troubles. La série ne fait pas que survoler ces thèmes délicats. Elle les aborde avec une sensibilité, et un réalisme rare, loin des clichés qu'on voit souvent dans les séries ados. Voilà, Everything Now, c'est sur également Netflix, à découvrir sans plus tarder. 19h33, c'est bon, on se quitte peut-être avec le troisième titre, hein, avec en Joe. Attendant. Oui, Anisha Jo, c'est celle qui a gagné la Starac qui revient le 4 novembre, le samedi soir pour 3 mois presque, avec 16 participants. Et il paraît que les garçons sont particulièrement bons dans cette nouvelle promo, on verra, on suivra ça. En attendant, voici le nouveau titre d'Anisha Jo, Automne. Mais mon Dieu, ne serait-ce pas un titre de saison? Allez, très très bonne semaine, très très bon week-end. On retrouve Laurent la semaine prochaine. Moi, c'est dans moins d'une demi-heure pour le Haut de 40. Et Manon, c'est aussi la semaine prochaine. Si on a le droit de venir ou pas, on verra. D'accord. J'ai pas l'impression qu'ils veuillent qu'on vienne. Donc... Non, mais vous faites ce que vous voulez. Vous êtes ici, chez vous. Allez. Bonne semaine. Bon week-end, bonne semaine. Et puis, Charlie & Co après, hein, je crois. Alors là, j'ai pas eu d'infos dans ce sens, mais si tu le dis. Ah, d'accord. Bon week-end, bonne semaine. À bientôt. À vendredi. Toutes ces nuits dans le froid, ces larmes qui coulent, ces cris tout bas. Tous ces jours lumineux, ces joies partagées, ces jours heureux. Espoir ou désespoir, confusion dérisoire. Je suis comme l'arbre de l'automne, les feuilles mortes, je l'éclaire. Je perds mes repères, je ne sais plus quoi faire. Mais viendra encore le printemps, je l'attends impatiemment. Car il le sait, les fleurs fleuriront. Les cris, les pleurs, les doutes et les peurs, sont-ils des signes de faiblesse ou des cœurs en détresse? Sur un visage lumineux, il y a les rires aux éclats, les bonheurs et les joies. Et espoir ou désespoir, confusion dérisoire. Je suis comme l'arbre de l'automne, les feuilles mortes, je les perds. Je perds mes repères, je ne sais plus quoi faire. Mais viendra encore le printemps, je l'attends impatiemment.